L'or des hannetons. L'or des hannetons de Béatrice Leca. Chaque soir, je te raconterai une histoire, a dit le grand. Le petit attend. Le soleil se couche. Les herbes noircissent. Le long des tiges, de longs serpents froids se faufilent doucement. Légère électricité de la fin du jour. Sous la langue, une amertume fine comme une aiguille. Familière. Dans les pétales, les feuilles, de minuscules loupes révèlent un réseau de nervures détaillées comme une carte du monde. Des cristaux scintillants, rubis, opales, tourmalines ocre, vertes, roses que la nuit va éteindre. Le petit approche une antenne et aussitôt le mirage se détruit, la perle fond en eau. Tout autour, les dernières gouttes de pluie explosent, lourdes et rondes. Les flaques débordent, les nids crèvent, les joncs s'affaissent alors que s'allège le ciel, qu'une force cède. Le petit n'a plus de souvenirs. Il ne sait pas qu'avant de vivre ici, il habitait avec le grand une autre forêt. Il ne sait pas qu'un soir, comme ivre de son vol doré, vrombissant, ébloui par le soleil entré tout entier dans ses yeux, le grand est parti. Il ne sait rien de son voyage, il ne se souvient pas du trait invisible tracé dans le ciel, point de plomb, d'argent, lancé à travers l'espace pour aller on ne sait où, franchissant les prairies, les villes, franchissant les pays sans même un regard pour ces paysages de couleurs cousues qu'on voit depuis les avions. Il était si petit alors que le grand pouvait le tenir dans ses ailes, mais il l'ignore. Comme il a oublié le frêne, les cailloux, et même aussi sa tristesse. L'enfant oublie tout. Chaque jour est une journée nouvelle, chaque jour il faut tout réapprendre. Donne-moi la main, dit le grand. Chaque soir, le grand raconte à l'enfant la même histoire. Le tonnerre gronde, la terre s'ouvre et la nuit monte comme une fumée. Lorsque les premiers éclairs traversent les feuilles, lancent leurs flèches phosphorescentes, la forêt se referme et ni les bêtes ni les hommes ne peuvent en sortir. Le petit s'endort. Il est avec le grand dans cette forêt. Rêve-t-il ? Donne-moi la main, lui dit le grand. La longue main d'écaille, dure et souple, clique comme un tour de serrure quand elle se ferme sur sa paume. Il marche sous la coupole immense des arbres scellés au-dessus d'eux. « Je dois ouvrir les yeux », se dit l'enfant. Mais ses yeux sont grands ouverts sur la terre noire, la nuit noire et les milliers de feuilles où passe le souffle noir du vent. « N'aie pas peur », dit le grand. Et l'enfant sent son cœur se serrer, car la forêt aussitôt se peuple d'oiseaux sauvages, de renards, de pies et de poules, becs, yeux, serres, griffes, dents qui guettent les carapaces hésitantes et les élytres fragiles. « Chante avec moi, dit le grand. » Et l'enfant entend un air qu'il croit reconnaître, une chanson très ancienne. « Chante plus fort. » La voix de l'enfant éloigne les oiseaux, étourdit les loups, disperse le peuple silencieux de la forêt. Peu à peu, la chanson grandit. Peu à peu, une force s'étend dans le ventre, la carapace dans les antennes et les ailes de l'enfant. Alors qu'à travers les arbres, la chanson monte en volute, tourne, les deux voix nouées, enroulées comme deux fils d'une corde. Le bleu de la nuit perce. Désormais, le monde s'agrandit. Le grand et l'enfant s'y enfoncent avec une joie, une confiance. Et bientôt, la terre, les feuilles, les racines et les premiers plants des arbres qui ne sont encore que des plantes, des tiges nées de bogues qui se décomposent, La terre, les feuilles, les racines sont loin au-dessous. Un velours sombre. Et autour, il n'y a plus ces odeurs d'écorce, de tourbe, la douce pourriture. Mais seulement l'air léger, l'air vert de la nuit en train de se défaire, la première lumière, le point du jour incertain encore et pourtant suintant derrière la voûte des arbres. Et ce vent qui porte, caresse, la main d'un dieu. Au matin, alors que le premier soleil a écarté les feuilles et s'est posé déjà tout autour, ovale de lumière suspendue comme des miroirs au tronc des arbres, mais en réalité vivant et rampant, glissant imperceptiblement vers un nœud de branches sèches, une toile d'araignée filée dans les siècles, un lacet, un clou, se coulant aussi bien sur l'écorce lisse que sur le tapis compliqué de mousse, de champignons fossiles pour atteindre la terre, formant là-haut des mobiles aux formes aussi nettes, mais aussi traîtres que les perles d'eau tenues dans les pétales des fleurs, si l'enfant approchait ses élytres d'une branche, d'une feuille, le rond de lumière disparaîtrait aussitôt. Au matin, donc, tandis que ces flaques s'étalent, se tendent dans la forêt métamorphosée, des lambeaux d'images achèvent de se dénouer devant les yeux du petit. Nuages, cendres qui se dissolvent dans le ciel pur du présent sans laisser nulle trace. Où sommes-nous ? Demande l'enfant. Le grand à nouveau doit raconter l'histoire. Où sont tes souvenirs, petit ? Se demande silencieusement le grand. Le monde de l'enfant tient en une journée. La nuit efface tout ce qu'il y a appris, et à nouveau, chaque matin, le grand explique encore. Dans la forêt, nous cherchons un nid lumineux. Un grand nid ? Demande à nouveau chaque matin l'enfant. Je ne sais pas, répète encore le grand. Il récite sa vieille leçon maintenant. Peut-être pas vraiment un nid. Et pourtant, s'il ferme les yeux, laisse revenir à lui le récit de Marceline, entend à nouveau sa voix sèche, chaque mot enfoncé comme un petit clou brillant, il voit l'entrelacement des branches et des brindilles, les plumes fines, la coque de branchage fermée sur son secret. Les œufs, ces sphères phosphorescentes qu'elle a décrites, il ne les voit pas. Peut-être le nid brillera-t-il d'une lumière surnaturelle, peut-être n'y a-t-il pas de nid. Peut-être aussi Marceline a-t-elle inventé cette histoire, un dernier tour, un dernier mensonge. Ces œufs n'existent pas ou un passant les aura détruits. Peut-être aussi ne les découvriront-ils jamais dans cette forêt. Rien ne peut donner ce qu'on désire le plus au monde, croit savoir le grand. Il cherche cependant, depuis combien de jours maintenant ? Des œufs de lumière ? Répète l'enfant intrigué, une fois encore. Peut-on les toucher ? Parfois, le grand lance son hameçon dans l'eau noire, l'eau dure des yeux de l'enfant. Te souviens-tu de Marceline ? Le regard du petit se replie sur une fente étroite. Le soleil frappe sa carapace, un bouclier, où quelques rainures ont foncé comme des cicatrices. Et quelque chose s'interrompt, se ferme. Te souviens-tu de Léonie ? Demande-t-il encore. Et d'Hector ? Et de Clotilde ? L'enfant reste immobile et ne répond pas. Le vert, l'or luisant de ses ailes s'altère à peine. Mais un instant, on dirait qu'il n'y a rien dans ce corps, qu'on pourrait l'envoyer au loin comme une bogue d'été, une grosse graine creuse. Il est sec, pense le grand. Mais lui ne sait où mettre sa peine, s'il faut la dissimuler ou laisser la pointe de colle à sa paupière couler en libérant les larmes tenues là. Où sommes-nous ? Demande l'enfant étonné. Léonie, Marceline, Sarah, reprend le grand. Marceline, la plus grande funambule du siècle des hannetons. Leur nom, il peut les dire. Rien ne se ferme dans sa gorge alors. ni le ciel ni la terre noire ne passent devant ses yeux. Il y avait les violons, dit le grand. Mais l'enfant voit des lignes onduler gracieusement. Algues, caresses, longs doigts flottants. Certaines travaillent, prennent une force souterraine pour sortir brusquement, claires alors, et brillantes des nappes qu'elles ont traversées. Quatre violons, a répété le grand, car l'enfant ne l'écoutait pas. Un fil. Puis l'autre le captivait tout entier alors que la mélodie s'alourdissait, l'enfonçait, l'emportait dans une douceur, une transe légère. Il y avait deux poteaux de fil de fer entre lesquels une herbe un peu raide se détendait. Il y avait une lumière ocre qui n'était ni du soleil ni de la nuit. Sans ces violons, on aurait peut-être pensé aux orages, à ces vents froids qui font tourner le ciel soudain. Il y avait une foule, une tension. Dans les bouches entrouvertes, dans les yeux, dans les souffles immobiles, l'attente de Marceline. Plus tard, le grand et l'enfant avaient poussé la porte, elle était encore devant le miroir. Elle se regarde. Elle jette une patte, une autre, puis s'arrête et se regarde. Qui lui répond dans le miroir, la regarde et la juge en retour. Le grand frotte ses élytres, un minuscule crépitement jaillit, le bleu pâle du gaz. Marceline se retourne. Elle leur a raconté cette histoire. Vraiment, tu ne te souviens pas? Il y a, dans une forêt, des boules de lumière de la couleur ocre de l'orage ou des vents furieux. Nul ne les a vues. Nul ne les a trouvés. C'est le trésor le plus précieux qui puisse exister, le trésor le plus fou dont on puisse rêver. Un dieu l'a imaginé. Était-il dieu des insectes, des plantes ou des hommes, nul ne le sait. Mais il ne les a donnés ni aux hommes, ni aux insectes, ni aux plantes. Il les a laissés là, dans cette forêt. Qu'y a-t-il dans ces boules ? A demandé l'enfant. Il y a ce que l'on désire, a dit Marceline. Tout ce qu'on désire ? A demandé l'enfant. Non, il y a ce que l'on désire le plus au monde, a dit Marceline. Marceline, répète le grand, mais il n'y a rien dans les yeux du petit. Alors c'était l'heure et nous sortîmes tous les trois. Comme chaque soir, une petite foule attendait Marceline. Elle s'avançait vers ce brin d'herbe mal tendu. Sa taille semblait jaillir de sa robe. De lourds foulards de soie noués qui flottaient ou coulaient autour d'elle comme un suc, virant tantôt au jaune, tantôt au vert, c'est exprès, m'avait-elle dit un soir. Les violons s'étaient figés en un immense bourdonnement au-dessus de nous, un avertissement. La danse a commencé presque aussitôt folle, presque aussitôt ivre. Il n'y a pas eu de commencement, c'était le précipice immédiatement. De là-haut, que voyait-elle ? Je ne pouvais pas regarder son visage, un masque terriblement heureux, triomphant. J'ai regardé son ombre. Sur le mur, une autre danseuse, à peine plus fine peut-être, à peine plus exercée, la précédait, lui dictait de grands traits invisibles, des sauts compliqués, des pas contradictoires. La musique, une célébration absolue. L'ombre a perdu l'équilibre juste avant elle. Je l'ai vue trébucher et crocheter Marceline de l'autre côté. J'ai regardé son ombre sur le mur qui tombait après elle, surveillait une seconde sa chute, heureuse, triomphante. Alors elle est morte ? Dit le petit sans tristesse. Je ne m'en souviens pas. Marchons, soupire le grand. La journée et la nuit entière, il marche. L'enfant ne sait plus voler. le grand ne veut plus inventer d'histoire. Il marche en silence, dans la fatigue, le grand dans des souvenirs épars, sa tristesse. La forêt n'a pas de fin. Peut-être traverse-t-il toujours le même chemin. Peut-être tourne-t-il en rond au cœur des bois, non loin des étangs qu'il n'atteigne jamais, mais dont il sente parfois les airs de marais, de grandes boues, de roseaux ou d'algues en décomposition, et plus furtivement de fourrures humides et tièdes. On dit qu'il y a des loutres là-bas. Le petit s'arrête un jour. Il s'arrête brusquement, sans un mot, laisse le grand avancer seul. Et d'abord, dans ces quelques pas qui les séparent, on ne voit rien, rien d'irréparable. On ne voit pas la distance, on ne voit pas la détermination. On pourrait même croire au contraire à une hésitation, un incident minuscule, un malentendu, aussitôt chassé. Après quoi la mécanique s'enclencherait à nouveau. Le petit reprendrait sa course en hâte et rejoindrait le grand. Le grand se retournerait et attendrait le petit. Mais ce n'est pas ce qui a lieu. Le mouvement du grand, rien ne l'interrompt. Et imperceptiblement déjà, ses pas ont créé un écart plus grand que ce qu'on imaginait, même si nul ne le sait encore, en vérité déjà infranchissable. Et le petit qui le regarde s'éloigner, casque lourd, sourd et aveugle qui tangue sur les fils des pattes plus fins que les cheveux, le petit lui-même ne sent pas encore son cœur s'alléger, sa tête se durcir, il est vide alors, il regarde s'éloigner la bille maladroite et bornée, et avec elle les récits et les explications, et avec elle l'histoire et la mémoire, le nom de Marceline, le vœu le plus cher au monde, et le silence. S'éloigner jusqu'à n'être plus qu'un point vaguement sautillant, vaguement glissant, et puis les mousses, les pierres, les feuilles, et alors même s'il cherche, il n'y a plus rien là-bas. Quand il n'y a plus rien, le petit ferme les yeux et sourit. La forêt vacille. Dans le ciel transparent tourne la cime des arbres. Là-haut, oiseaux, écureuils, nids de guêpes. Une gaze bleutée enveloppe les libellules. Sous la terre, tout craque, croît et verdit. Une joie sauvage se répand comme du sang dans la carapace du petit. La solitude infinie, pleine, où commence de battre le désir, la faim. Il y a 1000 chemins tracés parmi les étincelantes promesses de la forêt. Le goût ancien de la terre, des écorces, lui vient brusquement dans la bouche. Quelque chose se détend, s'accélère. Peu à peu, dans les pattes, forcit une volonté. Il roule presque désormais sur le tapis de feuilles, porté par une souple mécanique de dents et d'anneaux. Inconnu la veille, cependant maîtrisé déjà. Peut-être rejoint-il enfin sa lignée de cétoines. Peut-être ce mouvement même, un geste, ont-ils brisé une digue et maintenant une zone secrète s'ouvre qui ne cesse d'enfler au fur et à mesure que des milliers de petits affluents l'irriguent, étourdissante, facile, infinie, on dirait. Et enfin, et aussitôt et brusquement, il y est. Les œufs luisent loin de leur nid. D'abord, on pourrait croire qu'ils bougent légèrement, comme s'ils ne reposaient pas vraiment sur le sol, mais s'y tenaient par la grâce d'une force magnétique, un peu vacillante. On pense à des lunes minuscules, à un précipité chimique concentré là en sphères instables, dons provisoires. On pense à une illusion magique, un événement extraordinaire. Mais l'enfant ne s'étonne de rien. Gaiement, il gagne les petites boules phosphorescentes. Il n'entend pas revenir la voix du grand, ni la sentence de Marceline. Il n'entend rien, il marche dans cette course fraîche, vive, la liberté encore acide, verte, la solitude toute neuve. Il approche les œufs lumineux, curieux, affamés. Vraiment ? Tu ne te souviens pas ? « Mange-les, » a dit une voix. « Était-ce celle du grand, était-ce celle du jour ?» Il s'approche doucement. Ces formes-là ne sont pas de ce monde. Ce sont deux halos tendus, une illusion. on les traverserait sans atteindre, sans toucher le moindre corps, et cependant quelque chose vibre là, quelque chose respire et se modifie. L'ovale bat de sa vie solitaire. Ici, le soleil s'est divisé en grandes flèches poudrées. Des colonnes transpercent le labyrinthe, les arbres s'écartent, ça et là des couloirs de fumée blanche s'ouvrent, où explosent les détails de la forêt, inutiles, pulvérisés en particules légères. Une brume éblouissante révèle un autre paysage, grottes, montagnes, clairières de coton, de verre, de fil, d'eau et de mousse, une cathédrale d'illusions aux traits soudain parfaitement clairs derrière les gaz tendus, puis à nouveau déformés, s'éloignant, se métamorphosant sans cesse dans le jeu des perspectives, des reflets et des ombres. La lumière coule sur les feuilles, la pierre, les nœuds serrés du bois. Au milieu du jour, peut-être atteindra-t-elle les deux nids éventrés là-bas, invisibles à cette heure dans le brun mouillé de la boue. Ils luiront alors comme deux animaux des étangs enroulés, le poil verni, aussi immobile, aussi vulnérable que s'il dormait. Mais peu importe les nids, l'enfant les ignore et il avance vers les œufs, dans ce silence nouveau qui vient de toucher la forêt. Et bientôt il approchera le crochet de sa patte. Quelle vie, quel oiseau, quelle plante se forme là derrière la souple membrane à peine opaque. Un pas encore, et encore un autre. La marche est tremblante et sans doute le petit ne voit-il pas à mesure qu'il s'avance, étourdi, joyeux, pris dans la curiosité vive de ce jour, la peau devant lui qui s'altère légèrement. Presque rien sans doute. La lumière qui faiblit à peine, le dessin des contours qui se renforce, s'appuie. Disons comme si au-dedans quelque chose s'épaississait peu à peu. Disons comme si chacun des pas de l'enfant accélérait, précipitait un processus de maturation. « Mange-les !» entend encore l'enfant. Un fin réseau de cellules, de grains, a commencé à circuler sur les œufs, partageant la surface en infimes nervures, craquellements. De minuscules îles émergent sur ces maps-mondes et des océans et des crêtes légères, frémissantes. Ils ne brillent plus maintenant, ils ont pris cette teinte ordinaire du grès, de l'argile. Mais qui s'en soucie, qui s'y arrête? L'enfant s'arrête et ferme les yeux. Les bruits se sont retirés de la forêt. Les renards, les écureuils, les martes fuient en silence les nappes de soleil qui s'étendent. Le vent passe sans un souffle dans les branches, les ploie, les casse, les lance au sol sans un craquement. L'enfant est vide, comme le ciel ou la lumière. Ce qu'il veut le plus au monde est scellé là, force croissante, frappant le silence de ses pulsations régulières. Mais lui-même ne pourrait le dire. « Mange-les !» dit la voix pour la troisième fois et il ouvre les yeux. Ce sont maintenant deux petites pierres devant lui, plus noires que le charbon, où la nuit l'œil des rats musqués, des couleuvres, des hérissons émate comme la cendre. Il attend, la patte suspendue face à ces deux cailloux. Il regarde. Quelque chose change tout doucement. Si doucement, d'abord c'est comme rien, la pierre est là si ancienne, si vidée de vie depuis l'éternité. Alors d'où vient cette certitude que quelque chose bouge là, enfle, croît et commence à faire vibrer dedans ce noir-là une lueur? Et est-ce cette lueur qui se contracte, s'assouplit, se grise et s'étale, reflétant les métamorphoses nouvelles, accélération, renversement, la vie reprenant presque affolée et menant la matière au goudron, au caoutchouc, à la mélasse, défaisant engloutissant les îles, les cratères minuscules, comme si tout fondait là à nouveau dans une surface de plus en plus lisse, de plus en plus claire, une surface de lumière pure bientôt. Mais rien n'étonne l'enfant. Avance encore ta patte, lui dit la voix. Tu ne risques rien, avance. C'est liquide, on dirait, un lait translucide tenu dans un gel. C'est chaud. Une nappe tremble vers lui. « Viens, dit la voix, Approche-toi plus près. L'enfant avance sa tête, approche la bouche. Toute cette lumière entre doucement et bientôt il n'y a plus de place pour rien d'autre. Dans la forêt, nul ne se parle. Les trilles des oiseaux s'élancent en cerceau d'un arbre à l'autre. Écho, variations virtuoses qui passent et se perdent. Mille rayons se croisent, se traversent sans se voir. Mille regards qui ne s'immobilisent ne sont saisis que par la proie ou la peur. Et pourtant, toutes les vies semblent aller ensemble, circuler selon un même rythme invisible, obéir à la loi. Au soir, la paix de ce monde monte du sol et se répand en sang de terre, de tiges et d'os qui enivrent les bêtes, éteint les roses vénéneux des digitales et des lupins dressés. Le grand marche un couteau de tristesse planté dans l'abdomen. Passent les digitales et passent les lupins, passent les écureuils, les mésanges, les araignées. Passent les dernières lumières qui se dissolvent dans la fraîcheur nouvelle. Où est l'enfant maintenant? Comment marche-t-il? Que prend-il entre ses dents? Qui le guide désormais au milieu des arbres tous semblables? Qui lui raconte les histoires de la nuit qui tombe et lui donne le désir du monde? Nous reverrons-nous? Demande le grand à voix haute au milieu de la forêt. Là-bas, près des étangs, luisent les œufs et dans leur lumière faible, la carapace de l'enfant endormi ressemble à une goutte de métal. Au creux d'une pierre, une grenouille laisse se refléter dans ses yeux énormes le champ noir de l'eau profonde. Un paysage qui paraît s'étendre, se resserrer, s'étendre encore lorsqu'on suit du regard la canne et ses canetons, les cygnes pâles, les martins pêcheurs qui y plongent la tête puis la traversent comme glissant, posés à la surface, course fluide, pures apparitions parfois presque invisibles, devinées aux lignes frémissantes qu'ils laissent derrière eux. Qui sait d'où vient ce coassement sec, cette grotte de solitude qui s'ouvre lentement, résonne, attend sereine que l'appel se répète, se lance encore jusqu'à ce que commence d'éclater autour de l'étang ses bulles étranglées, cœur grave, appliqué, nuit remplie de nuit où luisent enfermés les désirs et les peurs archaïques, informes. Une large ronde enferme l'enfant au cœur de ce champ et peut-être dans son sommeil une inquiétude, un léger tremblement passe-t-il. Mais le corps est tout à sa quiétude tiède, on ne le distingue ni des cailloux, ni des graines sombres. Jamais le grand ne pourrait le voir. Il a été rendu à la forêt et à la terre. La nuit grandit. Une fraîcheur vive, un grand souffle circule, entre dans les gueules entrouvertes, caresse les plumes et les herbes et monte comme une sève dans les arbres. Une main passe sur le monde, efface, métamorphose. Le jour d'avant est aboli. Dans le rêve du grand, un silence, un repos enfin. Ce sont des longues trilles, on dirait qu'elles ne vont jamais s'arrêter. Mais brusquement, il a déjà ramassé ses ailes. L'enfant n'a même pas pu voir les plumes bleutées, la gorge jaune et noire. À peine la trace d'un envol deviné à ce froissement furtif au-dessus de lui. Le soleil s'est répandu en minuscules éclats tièdes. S'il levait la tête, le grand feu blanc immobile derrière la voûte des arbres envahirait ses yeux. Mais le petit ne lèvera pas les yeux. Aubépine, sureau, frêne, rose sauvage. Des baies d'été écrasées sont autour de lui, un cadeau. Il mange sans reconnaître ce goût noir, sucré, ce jus qui éveille chaque écaille, chaque particule du dos, du ventre des pattes où l'impatience et la vie neuve fourmillent. Il n'entend pas la mésange revenue qui se signale en trois notes inlassables. Il n'entend ni le vent, ni les arbres qui ploient, craquent, s'ouvrent, se séparent. Un vacarme pourtant. Il n'entend pas les courses des chats sauvages dans les feuilles sèches, des faons, des martes ou des belettes. Il n'entend pas le grand qui l'appelle. Le jour est un tourbillon. Tourne le ciel vert de feuilles nouvelles. Tourne la grande roue de la liberté enfantine. Tourne l'enchantement des premières fois, la tête de l'enfant éblouie. Au milieu de l'après-midi, l'air est léger. Il vole. Il vole et là-haut sent son corps grandir, s'alourdir. Les élytres, les pattes, le ventre s'allongent. En lui, quelque chose se forme et peu à peu forcit, durcit. Quelque chose revient. Il les revoit alors. Là-bas, ils luisent dans le crépuscule. Deux ovales solitaires, phosphorescents. Seulement ce que l'on désire le plus au monde. Il boit l'air et l'espace parcouru. Il boit la vitesse, le paysage déformé et l'odeur froide des bois. Il boit le jour qui diminue. Il boit son ivresse déployée. Et tandis qu'il s'étourdit de cette joie-là, son corps se remplit d'images et de souvenirs vivants. En lui, une foule de personnes, d'histoires, d'insectes s'engouffrent. Le vacarme, le grand désordre l'envahissent comme si dans son ventre, sa tête, ses pattes germaient des milliers de graines aussitôt immenses et qui se poussent, se heurtent, se tordent pour grandir encore et gagner leurs places incertaines. Il est lourd désormais. Le temps coule en lui. D'ici, il n'est qu'un de ces milliers de hannetons qui vrombissent dans les forêts l'été. Un moteur minuscule qui traverse l'air léger. Noir projectile lancé sur une cible invisible. Le grand le cherche parmi les feuilles, les cailloux, les mousses, trompé par une goutte brillante qui glisse, le reflet mordoré d'un anneau perdu, trompé par l'espoir que chaque pas renouvelle et éteint en même temps. Il cherche le corps maladroit qu'il connaît, cette mécanique hésitante, syncopée et un peu faible. Il appelle encore et rien ne lui répond. L'enfant est bien trop haut pour entendre cette voix errant dans la terre du sous-bois. Il est bien trop ivre encore de la mémoire qui lui est entrée par les yeux, les pattes, les ailes et n'en finit plus de le remplir. Il reconnaît tout ce qu'il voit. Le juge, le choisit et l'aime. Le monde est devenu immense de ce qu'il sait. Il regardera la fleur serrée de l'aubépine, sachant le goût des pétales, les herbes hautes, jaunes. Et une caresse sèche frôlera ses ailes, l'éblouissante lumière qui pulse là-haut et réchauffe, aspirera, effacera la terre. La nuit doit passer encore. Ils dorment. Si près maintenant que si le grand racontait pour lui seul l'une de ses histoires, l'enfant bondirait aussitôt. Mais le grand ne parle pas. Le nom de l'enfant continue d'imploser en lui. Il ne peut plus le prononcer et allongé sur la pierre, il l'entend résonner dans son sommeil maintenant. Détonation régulière, imploration vaine, refrain d'un mot, tandis que dans le nœud du chêne à côté de lui, l'enfant respire sa vie nouvelle de souvenirs, entrée dans la ronde, chant déjà ancien, labyrinthe où l'on commence à dériver sans frayeur. À côté d'eux, les deux lunes ovales, deux opales molles, habitées par une lumière qui ne vient ni du jour ni de la nuit. Au-dessus, loin, la présence froide de milliers d'étoiles, pointes précises, petits poignards, tremblant comme si elles allaient s'extraire du ciel, comme si elles voulaient s'approcher. Cet hiver pur, là-haut. L'écureuil s'approche, puis la fourmi, le renard, la pie. La lumière des œufs luit doucement sur le poil, la plume et l'écaille. Ils attendent. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. L'enfant s'éveille et se souvient. La force qui le portait et la vitesse dans sa gorge, les bois aspirés tandis qu'il montait vers la lumière, le ciel vert de feuilles nouvelles avec ses trous, les lances du soleil désignant là-bas quel plan, quel buisson, quel minuscule animal immobile. Des images s'élancent dans le même désordre. Milliers de scènes qui s'éveillent, remuent, s'étendent, commencent à murmurer ensemble. Elles appartiennent à mon corps, pense l'enfant. Elles battent dans la veine de mon cœur, dans mon ventre, dans ma tête. Certains souvenirs s'agitent et s'affolent en tourbillon, en tornade, mais d'autres ont déjà coulé en lui comme du plâtre. À chaque pas, il emmènera des années entières désormais. Il ferme les yeux et entre dans ce labyrinthe. Là, tout est vivant, sait-il. Sur une feuille sèche, sa mère l'observe. Sculpture d'or, de cuivre gravé où tournent lentement des verts, des bleus surnaturels. Elle s'approche doucement, avance encore vers lui une antenne tendre. Une fois, 10 fois, le petit rappel fait briller devant lui cette heure-là. Les autres souvenirs attendent patiemment, animaux silencieux, invisibles. Et cependant, l'enfant sent en lui cette masse énorme, une pulsation sourde d'où semble parfois naître un grondement contenu, une menace qui enfle puis reflue, laissant quelques images intactes, seules, démagnétisées. Le vent ne s'est pas levé, un peu de la nuit traîne encore dans les arbres, voile froid, courant furtif, rapide. Les yeux de l'enfant restent fermés. Dessous, quelque chose tangue doucement et l'emporte. Le corps de sa mère est immobile sous la terre. Des dentelles de feuilles l'enveloppent. Le grand n'a rien dit. Il enroule la carapace légère, étrange sépulture. Les feuilles sont comme un drap, comme une robe. Entre les racines du frêne, un creux est là. Un lit de poudre noire et fraîche où roule l'insecte. Le grand ne pleure pas, mais ses yeux se dérobent, il se déplace lentement. On dirait qu'il attend ou qu'il hésite, on dirait qu'il ne sait comment faire. Quelque chose peut-être va se produire. Et en effet, aussitôt là-haut, un sifflement vif, merle, mésange. À ce signal, il fait rouler l'insecte dans son caveau de terre, recouvre le corps et se détourne. Seconde trille, la cérémonie est achevée. Ils l'ont trouvé après le grand vol, tranquille, près du frêne. Les couleurs n'étaient pas ternies encore et pourtant, ils ont vu aussitôt. La coque noire, la petite tête sereine, tout était vide. On dit qu'une petite flamme s'échappe au moment où la vie s'en va. Où montrait-elle ? Le grand ne croit pas à ces histoires et l'enfant ne les a jamais entendues. Le petit chantonne autour du corps léger de sa mère, roulant doucement devant lui 4 cailloux blancs. Elle n'est plus ici. Ici, il n'y a plus rien et bientôt les écailles, les pattes, les yeux seront mêlés à la terre. Le grand regarde l'enfant qui chante et ne dit rien. Peut-être faut-il chanter, pense-t-il. Le monde s'est délesté d'un poids immense. Aux yeux du grand, maintenant, tout est vide et insignifiant comme cette petite écorce noire enroulée de feuilles dans son trou. Il suffira d'aller désormais. Mais l'enfant chante encore et la mélodie dérange, empêche, détruit cette paix froide qui descend dans le ventre du grand. Il s'allonge sur la mousse. La nuit, la forêt sent le buis ici. Une odeur de racines vertes, austères, l'aube la dissipera. Autour d'eux passent les vagues ordinaires des lucioles étoile laborieuse et lente, petite guirlande butée. La lune se tient là-haut dans sa rigueur glacée, sphère pleine, sans ombre, la mort même. Ils regardent ensemble les grandes traînées de noir qui s'étendent, les traits larges, flottant sur la nuit du ciel comme sur un buvard, et qui s'étendent encore. Il n'y a pas de mystère. C'est fini, pense le grand. Mais l'enfant l'entend pourtant dire « Nous nous reverrons ». C'est une voix qu'il ne lui connaît pas, une voix qui n'est pas la sienne. L'enfant le croit. Bientôt, il n'y a plus rien dessous la terre. Le grand s'est envolé. Quelque chose est resté dessiné dans l'air et flotte là-devant, une buée qui va trembler un peu avant de se dissoudre complètement. Peut-être devrais-je le suivre, pense l'enfant. Mais le grand n'a rien dit et la trace incisée dans l'espace s'est refermée maintenant. C'est la même forêt, le même ruisseau, la même lumière. Mais le silence a changé de nature brusquement. Et une force froide se presse contre le corps de l'enfant. Il apprend à reconnaître les baies, à se glisser dans les écorces, à gratter les filaments de bois. Il apprend les goûts, suque des tiges, des racines, des feuilles. Il hâte sa marche et s'immobilise soudain, changé en bogue brillante, caillou noirci, lambeau brûlé de tissu ou de papier. Ni le merle, le hérisson, la grenouille ne le repère désormais. Il apprend à éviter la colle d'étoiles d'araignée, souple, féerique, tendue comme de purs fils de sucre devant les fougères, entre les doigts des racines, à fuir les minuscules cerfs-volants des chauves-souris lancés sur leurs ailes au crépuscule. Des journées entières passent, le son continue où son savoir s'affûte. Une solitude un peu morne s'étend en lui, tandis que peu à peu son corps s'allège, se vide de souvenirs anciens. La vie d'avant a éclaté en reflets incertains, brouillés, formant de temps à autre un paysage où certaines formes continuent de bouger, incompréhensibles et inutiles. Ces images ne sont pas les siennes. Il n'y a plus aucune zone endolorie. Puis la peur aussi disparaît. À la tombée de la nuit, plus rien ne l'étreint. Lorsque le grand a eu trouvé l'autre forêt, il a décidé de revenir. Il a dû faire le tour du monde. Il n'a pas baissé son regard. Là-bas coulaient les lignes fluides des fleuves, avalées parfois sous les masses immobiles des villes, milliers d'angles plus ou moins affolés où se résumaient des injonctions contradictoires, les barres d'immeubles, les châteaux des rois, les autoroutes, les sentiers, l'agitation, l'espoir de l'invention, la répétition. Des traits appuyés, rayant profondément la terre couleur d'ardoise ou de sable avant de s'interrompre soudain sur un large rectangle, un champ ou un nouveau désert. Le grand, lui, se tenait toujours presque à hauteur du soleil, comme à l'arrêt dans l'éther bleu du ciel, plan fixe où rien ne défile ou ne change. Il veut désormais la pure hauteur, le ciel vertical à jamais dressé devant ses yeux, l'aveuglement et l'oubli. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il avait réussi, plus rien ne battait en lui. Il avait oublié le frêne et le corps inhabité, la première poignée de terre noire et les dentelles des feuilles, le chant de l'enfant. Il n'y avait plus maintenant que cette course illimitée. Au deuxième soir, l'azur se couvrit de nuages qu'il fallut traverser, un brouillard où il entra les yeux grands ouverts, indifférent pourtant à sa direction, cherchant seulement à garder l'horizontale stricte. Il s'éleva peut-être. Après un moment, il sentit ses grands troupeaux étalés le quitter, le lâcher, et le blanc, le froid, désormais au-dessous de lui. Le ciel était plein des couleurs glacées du mercure. Peut-être, un peu plus près de la lumière encore, atteindrait-il sa propre mort? Mais non. Quelque chose le frappe à l'aube du troisième jour. D'où est-ce revenu? La boussole qui le guide là-haut brusquement lance son aiguille sur la terre et aussitôt il doit descendre, il doit rentrer. Tout est revenu. La clairière et l'enfant perdu dans la transparence des vers mouvant autour de lui, hautes feuilles remuées par le vent. L'odeur d'humus, les cailloux blancs que le petit a posés en chantant au coin du rectangle de terre. Quatre clous de marbre scellent l'adieu, dit-on. Et l'avant, les grandes journées où il parcourait les bois. Premier vol maladroit, glorieux de l'enfant. Première fierté. En bas, parmi les buissons de mousse, attendait la grande. La joie calme, la confiance. Puis la carapace si légère dans la terre. Et à nouveau le corps vivant. Les souvenirs sont debout tous ensemble. Ils l'appellent. Le vertige, les serres de cette grande idée folle du départ l'ont lâché. L'énorme corbeau s'enfuit et disparaît. Vraiment, il aurait abandonné l'enfant, pense-t-il, incrédule. Il n'aurait jamais retrouvé cette clairière où l'attend la petite carapace tendre, les yeux inquiets où doivent encore briller la surprise, les questions. Le ciel s'éloigne et le feu du soleil. Il compte les jours. Il sait qu'il y a d'autres forêts. Il les cherche. Il les explore. Puis il les quitte. Sa tristesse le suit toujours. Il n'a pas réussi à la semer. La piqûre revient, un poison. Il ne peut pas rentrer avant d'avoir trouvé le bois où vivre avec l'enfant, loin de sa douleur. Le grand croit à la vie nouvelle. Il trouve la forêt. Plus jamais ? Plus jamais. Et chaque soir, je te raconterai une histoire, avait dit le grand. Alors, il l'avait aussitôt retrouvé. Il lui semble maintenant qu'alors, il ne l'avait pas même cherché. Comment c'était, se demande le grand. Il ferme les yeux. Il avait trouvé la forêt, il était rentré chercher l'enfant. Alors tout était facile, un conte. S'il parvient à ramener à lui ce conte, il retrouvera l'enfant une fois encore, pense-t-il dans la forêt vide. « Souviens-toi, murmure le grand, comment c'était. Il faudra répéter chaque scène du conte pour revoir l'enfant. » Sous les paupières du grand commencent de défiler des images du retour. Ces images disent-elles la vérité ? Pas sûr, pense le grand, qui ne les reconnaît pas tout à fait. C'est la fin du jour. La terre et le ciel s'éteignent de ce côté-là du monde et là-haut, la dernière lumière, une nappe de lave, tient encore en elle une promesse, une beauté qui accable les vivants. Au-dessous de lui, la grande flaque verte dérive dessous la brume. Il l'a vue de loin, une paume ouverte où des brins, des noirs s'étendent en veines fines, en chaînes mystérieuses qui se croisent, dessinant comme un chiffre immense. Nulle montagne, nulle crête ne peut l'expliquer. Et la forêt n'a pas de forme, elle s'allonge et se détend sans cesse, c'est le grand. Le vent déchirait les nuages en fumée. Parfois, alors qu'il s'inclinait vers la terre, ce coton tournoyait autour de lui. Un tissu de fils invisibles l'enveloppait soudain, l'aveuglait. Vapeur, caresse tiède, le brasier suave là-bas, un peu plus loin. On dit qu'en mer, parfois, certains champs profonds, amers, perdent les marins. Il ne s'était pas détourné, cependant. Il avait tracé son retour droit vers la forêt, passé les brumes sans s'arrêter, sans même se distraire. Il rejoignait un point minuscule, une force magnétique au milieu des arbres l'avait saisi depuis le ciel. Et presque aussitôt, il l'avait retrouvé. Une tête d'épingle dans l'enchevêtrement des vers de la forêt, alors. Il l'avait vu aussitôt. Et maintenant ? « Maintenant, je ne vois plus rien, » murmure le grand. « Rien, sinon, dès que j'ouvre les yeux, le bleu du ciel, toujours nouveau, qui m'a envahi. » Il ferme les paupières à nouveau. L'enfant est endormi près de la stèle, le soleil frappe la terre. Juste ce cercle, au centre, Les cailloux blancs et la carapace du petit luisent de la même nacre douce. Comme ce retour était simple, pense maintenant le grand. Je ne cherchais jamais mon chemin. Personne ne parle au grand. Personne ne lui rappelle. Tu ne te souviens pas comme les yeux de l'enfant étaient vides, aussi vides que le corps léger de leur mère. Personne ne lui répète. Quelle tristesse alors. Ce retour n'était pas celui que tu avais imaginé, n'est-ce pas? L'enfant t'a à peine reconnu. Ses souvenirs l'avaient quitté peu à peu, as-tu compris? Ils avaient coulé hors de lui comme de l'eau, du sable. Tu as voulu l'emmener vers l'autre forêt, mais il n'y avait plus rien à oublier. Ils marchaient, non loin l'un de l'autre, dans les bois toujours semblables. Le grand ne s'éloigne pas. Chaque matin, il espère, et chaque matin, son cœur est broyé. Chaque soir, la même histoire étonne l'enfant. Jamais il ne parle du corps léger de la grande roulé dans la terre sous le frêne. Jamais il ne parle du voyage du grand, ni départ, ni retour. Le grand garde en lui le ciel plein de coton et la forêt s'ouvrant brusquement sous son ventre. Quelque chose d'invisible travaille et change peu à peu. Un jour, l'enfant chante la chanson. On dirait la floraison d'une maladie qu'on croyait oubliée, une floraison inattendue, monstrueuse. La pince du grand se referme brusquement dans l'air. Le coup manque l'enfant de peu, mais la mélodie rentre à jamais sous terre. Jamais il ne parle d'avant, et pourtant le silence de l'enfant agace le grand. On dirait qu'il ne cesse de poser la même question. Parfois, le grand entend la chanson comme si la mélodie germait dessous la terre. Le conte du premier retour ne se répète pas. Il s'étend, se divise, se gonfle. Il est devenu un labyrinthe bien trop compliqué pour le grand, seul dans la forêt. Rien ne le guide vers la respiration légère de l'enfant. Au contraire, il se perd. Te souviens-tu de Marceline ? Et d'Hector, et de Clotilde. Tout ce qu'on désire? Non, ce que l'on désire le plus au monde. L'enfant vit maintenant dans la forêt immense de ses souvenirs. Le grand m'a abandonné, pense l'enfant, et puis moi aussi je l'ai abandonné. Nous reverrons-nous? Qui sait ce que l'on désire le plus au monde? Pense maintenant le grand. Que sous le frêne naisse quelque chose qui nous console et nous donne le désir de vivre. Nos enfants quittent l'enfance sans crier gare, pense le grand. Je me souviens de tout, pense l'enfant. Je sais voler. Je peux faire le tour du monde. Je n'attends personne. Et pourtant, je reste ici. Lorsque la forêt s'éteint dans la nuit, chacun de son côté s'allonge. Leurs yeux ne se ferment pas. Ils regardent la même lune, une pièce de cuivre qui fond dans l'étang. Il n'y a plus d'arbres, plus de branches, plus de pierres, plus d'animaux. L'ombre a dilué le monde. C'est le noir désormais. Un océan silencieux au cœur duquel il flotte. Et cette braise oubliée là-haut, un cercle qui s'estompe. Il n'y a plus d'histoire. Existe-t-il? Là-bas, elles sont deux qui les observent. Un geste et le vent écarterait une branche, laisserait tomber une bradille, ouvrirait le chemin qui mènera l'enfant au grand. Mais Marceline reste immobile et regarde s'endormir le petit et le grand hanneton, l'un et l'autre serrés dans leur solitude. La grande est à côté d'elle, deux esprits étendus sur la forêt qui se divisent et se rejoignent. Nuages, lucioles, attention secrète qui veille sur nous, souffle sur les éléments, déplace les pensées, les événements, les choses. Tu crois qu'ils vont se retrouver, demande Marceline. Bien sûr, dit la grande. Attendons encore. Et après, demande Marceline, ils se quitteront à nouveau. Bien sûr, dit la grande. Ils se quitteront. Sur leurs yeux, toujours ouverts, passent toutes les heures de la nuit. La terre tourne lentement. On dirait que la nuit a complètement enfermé la forêt. Tu es sûr qu'ils ne peuvent pas nous voir ? Demande encore la grande, à côté du corps endormi de l'enfant. Ils sont loin d'ici, maintenant. Le grand est dans une autre saison. Bientôt, il touchera le soleil. L'enfant mâche des baies sucrées, des aubépines peut-être. Il est près de toi. Le bleu froid, pur, s'enfonce dans la forêt, monté de l'horizon. Arbres, feuilles, rocs, poils et plumes, yeux, muscles, dents et griffes, bogues et racines, réapparaissent. C'est l'aube, mais les yeux du grand et de l'enfant restent fermés et rien dans leur corps ne tressaille. Ils dorment côte à côte maintenant. Quand les reverrons-nous ? Demande Marceline. Nous les reverrons, dit la grande. Après qu'ils se seront trouvés, quittés à nouveau, après qu'ils auront vécu toute leur vie de hannetons, nous les reverrons. Là-bas, les œufs ont fondu en une petite flaque claire. Des fourmis la lèchent et s'éloignent. Luciole ivre, qui tangue un peu dans la lumière nouvelle. C'était L'or des hannetons de Béatrice Leca. Avec Suzanne Aubert, le petit, Vincent Schmitt, le grand, Laurence Vielle, la grande, Judith Magre, Marceline. Bruitage, Sophie Bissantz, assistée d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Sébastien Royer. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laurence Courtois avec Juliette Eman.